Le rituel de la mort commence. Le condamné est autorisé à prendre une douche de 5 minutes, puis se soumet à un examen médical rapide. La loi exige que l'on soit en bonne santé pour être exécuté. Le directeur, les témoins et le bourreau font les derniers préparatifs. C'est le bazar. Imagine une table, un tas de barbares, qu'un grain, un tas de cafards dans sa salle de bain, un immolé. En salle de soins, phase terminale, le monde a cette image, ouvre les yeux, regarde bien en face comme si tu voyais un pédophile relâché, une montagne de cam sur le bureau d'un adolé posé. Moi je raconte un tas de drames, je parle d'une planète déboussolée. Comment ne pas perdre le nord? Imagine-toi les lames se planter à la vitesse grand V, les obus israéliens sur Gaza, les atrocités, les massacres, les familles déchirées, les pieds excisés, les personnages au sourire jaune comme des. Les pressions quotidiennes, la poisse est autant fréquente qu'une bavure en région parisienne. Je parie même qu'elle a buté la chance à coup de pelle. Tu feras pas le coup. Tout le monde il est beau, il est gentil, tout unis. Je vois pas comment je pourrais serrer la main à un pourri de néonazi. Descends du nuage, vas-y, plonge dans les marécages. La vérité, et si tu la supportes pas, regarde la télé, les gens dénudés, les mensonges, la merde, toute leur futilité, toute leur publicité. Le cancer de la terre se propage. Elle est dans un sale état. Et on me demande de faire du son joyeux. Comme s'ils ne voyaient pas. Les képis se planquaient, les garros se serraient, les aiguilles se plantaient, les mineurs prostitués, les porcs qui vont pointer, les filles fameux pourris, pas condamnés, pas destitués. La justice crapuleusement constituée, à la tête du client, à la taille du porte-monnaie. Les voleurs en col blanc, les transactions avec nos fonds. Le mal de vie, la sueur sur nos fronts, les gosses lancés sur les fronts, les gens sous les ponts. Tout le mal qu'ils font. C'est bon, les fossés creusés, c'est terminé, c'est noueux. Y'en a qui ont du mal à piger, y'en a que le mal à figer. Sourmuet, le cerveau grillé, y'en a qui acceptent toutes les misères qu'on leur a infligées. J'ai plus envie d'essayer d'arranger les choses sur le cadavre de la sagesse, balancer les roses. Sur une crotte qui agresse, j'incendie les proses. Vider ma tête avant qu'elle explose, avant qu'elle nécrose. J'ose le dire, je sens la poudre à planer sur la peau de fond cache, cause du pire, la poudre à frapper. Sans l'injection létale, comme tout à une face à terminale. Une tonsure est pratiquée à l'arrière de la tête pour fixer les électrodes sur la boîte crânienne. La chaleur est si intense que la chair grille et que le sang bouillonne. Le condamné est solidement attaché sur la chaise électrique, la colonne vertébrale bien collée au dossier. Le casque de cuivre est fixé sur la boîte crânienne.